dans les bois une clairière que le soleil à peine éclaire entre des faisceaux de lumière. On aperçoit quelques fougères et on s'approche en peu à peu en ouvrant bien grand les yeux. Tu verras si tu es chanceux que l'une d'elles est bleue. Cette fougère-là est animée, elle met de la joie dans la forêt. Elle essaie de faire oublier que les animaux se font chasser. Elle aime pousser la chansonnette, elle refuse d'être une marionnette. Et comme ça, il n'y en a pas deux, c'est la fougère bleue. Au fil des notes, elle t'emporte. Elle t'ouvre doucement la porte de sa bulle musicale où tu rentres et tu t'installes. Les croches s'accrochent dans tes cheveux, les rimes t'éclatent devant les yeux. Et sur cet air qui t'entête, les fougères dansent dans ta tête. Cette fougère-là est animée, elle met de la joie dans la forêt. Elle essaye de faire oublier que les animaux se font chasser. Elle aime pousser la chansonnette, elle refuse d'être une marionnette. Mais comme ça, il n'y en a pas deux, c'est la fougère bleue. La fougère bleue, elle s'entête à toujours vouloir faire la fête. Et même si elle quitte sa forêt, sa bulle ne la quitte jamais. Alors rentrez tous dans la ronde, dans ce tout petit bout de monde. Unissez-vous à ma voix, la fougère bleue, c'est moi. Cette fougère-là est animée, elle met de la joie dans la forêt. Elle essaye de faire oublier que les animaux se font chasser. Elle aime pousser la chansonnette, elle refuse d'être une marionnette. Et comme ça, il n'y en a pas deux, c'est la fougère bleue. La fougère bleue. Ouais, la fougère bleue. Ouais, la fougère bleue.